Le but du contrôle technique est de maintenir en bon état le parc automobile français. Pour cette raison, la première visite technique d'une voiture neuve doit avoir lieu avant son 4e anniversaire. Elle doit être ensuite renouvelée tous les 2 ans. Attention, les véhicules utilitaires doivent subir un contrôle technique tous les ans, mais une année sur deux, ils ne concernent que la partie pollution. Réponse B et D.